ma fille, je suis bien aise de vous voir. Alors, venez vous en faire votre devoir et soumettre vos voeux aux volontés d'un père. Je veux apprendre à vivre à votre mère. Et pour la mieux braver, voilà, malgré ses dents, Martine que j'amène est rétablie séant. Vos résolutions sont dignes de louange. Gardez que cette humeur, mon père, ne vous change. Soyez ferme à vouloir ce que vous souhaitez et ne vous laissez point séduire à vos bontés. Ne vous relâchez pas et faites bien en sorte d'empêcher que sur vous, ma mère ne l'emporte. Comment ? Me prenez-vous ici pour un benêt ? M'en préserve le ciel ! Suis-je un fat, s'il vous plaît ? Je ne dis pas cela. Me croit-on incapable des fermes sentiments d'un homme raisonnable ? Non, mon père. Est-ce donc qu'à l'âge où je me vois, je n'aurai pas l'esprit d'être maître chez moi ? Si fait. Et que j'aurai cette faiblesse d'âme de me laisser mener par le nez à ma femme ? Et non, mon père. Ouais, qu'est-ce donc que ceci ? Je vous trouve plaisante à me parler ainsi. Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie. Ma volonté, séant, doit être en tout suivi. Fort bien, mon père. Aucun, hors moi, dans la maison, n'a droit de commander. Oui, vous avez raison. C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille. D'accord. C'est moi qui dois disposer de ma fille. Eh oui. Le ciel me donne un plein pouvoir sur vous. Qui vous dit le contraire ? Et pour prendre un époux, je vous ferai bien voir que c'est à votre père qu'il vous faut obéir, non pas à votre mère. Hélas, vous flattez là le plus doux de mes voeux. Veuillez être obéi, c'est tout ce que je veux. Nous verrons si ma femme a mes désirs rebelles. La voici qui conduit le notaire avec elle. Et secondez-moi bientôt. Laissez-moi, j'aurai soin de vous encourager, s'il en est besoin.